Allô? Allô? Bonsoir, salut Bon, Andrea, tu m'entends bien? salut. Oui, tout à fait, je t'entends bien. Bonsoir. Super, parce que j'ai changé d'écouteur. Prête pour ce 13e live de Beauté Imaginée? Oui, bien sûr. Bah, super, super. Alors, je commence mon introduction, chers auditeurs. Bonsoir, bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invité avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Donc, vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est ça, la force de l'audio. N'hésitez pas, du coup, si vous souhaitez participer ou nous poser des questions, hein, c'est le moment. Et si vous souhaitez être mon prochain invité, pourquoi pas, n'hésitez pas non plus. Alors, du coup, avec Andrea, ce soir, on va échanger sur le thème des conservateurs dans les produits cosmétiques. On va parler des éventuelles alternatives à leur utilisation dans notre deuxième partie d'émission avec le quiz vrai-faux. Donc déjà, un petit rappel pour les auditeurs. En fait, quand un laboratoire fabrique un produit cosmétique, il y a un délai entre le moment de fabrication de ce produit et le moment où nous, consommateurs, on utilise le produit. Et pour que le produit, du coup, soit toujours aussi efficace quand on l'utilise, pour éviter qu'il y ait des microbes qui s'y développent, le laboratoire ajoute des conservateurs à sa formule. Du coup, sur Instagram, je vous ai demandé si vous vouliez réduire les conservateurs et dans l'ensemble, la réponse moyenne était plutôt oui. Toi, Andrea, ce soir, tu veux nous parler d'une marque que tu as découverte et pour laquelle tu travailles, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, c'est la marque Ringana. Ringana. Oui, tout à Et fait. du coup, justement, Ringana a une autre approche côté conservateur. On va en reparler. Donc, chers auditeurs, on attend vos réactions. Je regarde un peu qui nous écoute hop, ce soir, là tout de suite. Salut Juliette, salut Carla Fernandez, Du, Astré, Sophie, Tracy, Emma et Sabrina. Merci à tous d'avoir accepté ce rendez-vous sur les conservateurs. Et on a Sophie qui intervient. Salut Bonjour, Sophie. bonjour. Bon, moi, je connais pas du tout cette marque. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Bonne émission. Merci Sophie. Ah, c'est bien. Ouais. Super. Donc voilà, on va parler un peu de ta nouvelle activité pour Ringana et de son approche du coup pour conserver ses produits. Alors du coup, quel est ton rôle toi chez Ringana, Andrea? Alors, Ringana, donc, que je fais partie de depuis peu, donc je suis partenaire pour la marque et je suis consultante beauté. D'accord. Donc, je donne des conseils D'accord. beauté. D'accord, aux clients qui peuvent t'approcher ou que toi tu approches, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Ok. Et du coup, on a dit, cette marque Ringana a une approche un peu particulière côté conservateur. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est une marque qui développe des produits frais, naturels et sans conservateurs artificiels. Du coup, leur conservation reste assurée grâce au packaging appelé Airless, qui sont Ah d'accord. totalement hermétiques aux microbes et à l'air. D'accord. Ok. Donc Ouais. c'est grâce à ça vraiment que l'utilisation de conservateurs est limitée. Tout est dans ce packaging-là en Dans le fait. packaging, tout à fait. D'accord. C'est bien Du coup, ça. est-ce que ça a une incidence sur les délais de conservation dans ce cas-là? Oui, du coup, la conservation, ça va être moins long, donc environ 12 Ah oui. semaines pour les produits qui sont ouverts. Et Ah d'accord. donc pour les produits fermés, donc 6 à 8 mois. Et c'est pour cette D'accord. raison-là que n'existe pas de boutique Ringana. Donc, les achats se font seulement en ligne et avec une partenaire, avec une conseillère Ringana, D'accord. dont la marque est D'accord. fière de cette péremption car c'est une preuve d'une grande fraîcheur. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas le temps habituel qu'un produit pourrait passer sur les étagères d'un magasin, parce que là, ça passe directement de l'usine au client, en fait, c'est C'est ça? ça, c'est ça, tout à fait. Oui, directement de l'usine au client. Les produits sont D'accord. fabriqués, voilà. Ok, Ça passe mais du pas coup, par oui, tu un dis, intermédiaire. c'est... Oui, je vois. C'est, il y a 10 à 12 semaines, c'est ça? Une fois ouvert, le produit peut se consommer pendant 10 à 12 semaines, c'est ça en C'est moyenne? ça, tout à fait. D'accord. Alors que c'est vrai qu'en général, si on regarde un produit classique qu'on achète du coup pour le coup en magasin, on C'est va six plutôt avoir mois. quelques mois voilà, de, Ouais, à je pouvoir pense le que les consommer une minimums, fois c'est six ouvert. mois, tout à fait. Ah Ouais. oui. Mmh. D'accord. Mais Alors du là, coup, on pourquoi va. cette marque ouais? Oui, après, on parle des produits frais. C'est pour ça que Oui. après, la date est moins longue que les produits Oui. habituels. Oui, je vois. D'accord. On a une intervention. Salut Mimix. Bonjour Alice, bonjour Andrea, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Le sujet ce Très bien, soir, très bien. beauté et alternative aux conservateurs. Tout à J'aime fait. découvrir de nouveaux sujets. C'est parti, let's go sur Stereo Radio on Live. Merci beaucoup les filles, on vous écoute attentivement. C'est parti, let's go. Eh ben parfait, merci pour cette petite intro Mimix. Merci. Bah, j'espère que tu vas apprendre des choses sur les conservateurs du coup dans les produits cosmétiques en l'occurrence. Alors du coup, toi Andrea, qu'est-ce qui t'a donné envie avec cette marque-là quand tu l'as découverte? Tu peux nous dire un peu les valeurs qui t'ont plu? Oui, en fait, tout l'aspect naturel des produits et la démarche globale de la marque, comme par exemple les packagings biodégradables, aussi les Ouais. colis qui sont envoyés avec des petits morceaux de maïs, donc qui servent donc à Ah oui. protéger la commande, tous les produits. Mais pour la suite, on peut les mélanger avec de l'eau, ça va se diluer. On peut arroser D'accord. les plantes et ça va servir comme engrais pour les plantes. Donc rien ne se jette et tout est recyclable. Dès les flacons ou cartons d'envoi de ces produits. Et aussi par le fait que D'accord. l'entreprise soit engagée pour respecter l'environnement et la santé des consommateurs. D'accord, c'est une approche assez globale en fait enfin, de respect de l'environnement et de la santé en général, quoi. Et de la santé, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Donc, de ce qu'on comprend, ça pourrait un peu s'inscrire dans la tendance du slow cosmétique qui correspond en fait au fait de consommer moins mais mieux du coup. Puisque notamment avec cette idée de fraîcheur un peu des produits. C'est un terme que vous utilisez, ça, la slow cosmétique. Ah oui. Tout à fait, ça c'est sûr, c'est une marque avec une conscience écologique et responsable, Ouais. que ce soit vis-à-vis des clients et de la planète. Ouais. D'accord, ouais, donc on va faire plus attention à ce qu'on consomme finalement Notre pour. consommation, oui, c'est sûr. D'accord. Et du coup, quels sont les types de produits de gamme chez Ringana dans l'ensemble? Chers Alors. auditeurs, dites-nous si vous aviez déjà entendu parler de cette marque-là qui est surtout présente via les réseaux sociaux, en fait. Hein. Dites-nous. C'est ça, Ouais, du oui, coup. c'est en ligne, oui, après, sur les réseaux sociaux, tout à fait, oui. Tu m'as demandé les Les produits? types de gamme, voilà, qu'on sache un peu de quoi il s'agit. Nous avons donc une ligne de cosmétiques naturels pour le visage, pour le corps, des D'accord. produits solaires aussi, Ah des oui, ok. compléments alimentaires adaptés à tous les besoins. Des boissons végétales, vitaminées, relaxantes et drainantes aussi. Et une gamme de sports adaptée aux grands sportifs comme aussi aux débutants. Ah, d'accord. Ah oui, ok. C'est ouvert Ouais, à c'est à tout tout, type oui. de sportif, Pour les coureurs de sportif du dimanche dimanche ou aussi, voilà c'est ça. ou marathonien. Ouais, D'accord. Alors on a ça Juliette reste. qui veut intervenir. Salut Juliette. J'avais jamais entendu parler, mais ça a l'air intéressant et j'aime beaucoup l'idée de réutiliser, je sais plus comment on appelle ça, le maïs dans le carton pour l'engrais. Alors quel Oui. était le terme du coup? C'est des Ah, en fait, c'est ça pour s'appelle renverser le des. polyester et c'est ouais. C'est ça, De l'amidon de l'amidon. maïs. C'est vrai que j'ai dit des petits D'accord. morceaux parce que normalement c'est plus facile à retenir, mais c'est de l'amidon de Oui. maïs. Oui. Qui est sec en fait, c'est ça? Et ça permet C'est. de transporter. Ça permet En toute sécurité. de protéger en toute sécurité, effectivement, les produits et la commande Ringana. D'accord. Et moi, personnellement, tu m'as fait découvrir du coup cette marque-là récemment. J'avais essayé alors leur shampoing, que je suis encore en train d'essayer, le dentifrice aussi qui est sous forme d'huile. Ça, c'est leur produit phare, tu me disais? Alors, c'est surtout l'huile dentaire qui est le premier produit pensé par les fondateurs de la marque. D'accord. Donc, c'est un couple et leur enfant a ramené un dentifrice de l'école et ils ont constaté D'accord. que dans ce dentifrice, il était rempli d'ingrédients néfastes. Et OK. c'est à partir de là qu'ils ont décidé, ils ont eu l'idée de faire Ah. cette huile dentaire sans aucun ingrédient inutile, donc pour la santé. D'accord. C'est à partir, tout a commencé à partir de ce dentifrice qu'ils ont trouvé pas bon pour la santé de leur enfant. D'accord. Oui, donc Oui. là, c'est vrai que c'est assez innovant. C'est une autre expérience du lavage de dents, on va dire, sous Oui, forme d'huile comme c'est une ça. autre texture. Qu'on n'a pas l'habitude, mais que finalement, ça passe très bien, personnellement, Ouais, je trouve. d'accord. Et du coup, les produits de la marque sont, on peut le dire, assez haut de gamme en termes de budget. Toi, là, tu peux proposer une promotion, c'est ça, éventuellement, si on passe par toi, comment ça fonctionne? Oui, en passant par moi, pour une simple inscription, vous avez donc pour votre première commande 5 euros de réduction. Après, régulièrement, la marque propose aussi des offres par thème. En ce moment, on a par exemple la gamme sport qui est en réduction. Et D'accord. également, 3 fois par an, nous avons aussi une réduction, nous faisons une réduction de 10 euros. Donc 3 fois par an, à leur anniversaire et aussi D'accord. quand ils sortent un nouveau catalogue, que normalement c'est 2 fois par mois, normalement en avril et en octobre, il y a aussi une réduction de 10 euros. D'accord, ok. Donc, on peut te contacter sur Instagram. Si ça vous dit, chers auditeurs, si cette marque vous intrigue, Andrea est du coup sur Instagram, je l'ai taguée normalement pour répondre à vos questions éventuelles. Oui, bien Bon, bah, sûr. merci en tout cas Je reste. de ces infos. Voilà, donc ça, c'est en tout cas niveau conservation de produits, on a évoqué, c'est le packaging qui peut être vraiment une des pistes, mais on va en reparler dans le quiz vrai-faux. Dans un instant. Avant ça, est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être une erreur, toi, que tu as faite un jour avec des produits de beauté? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser un produit de beauté Ah. d'une mauvaise façon, une gaffe en fait cosmétique? Oui, peut-être pas un cosmétique en soi, mais de la cire à épiler Ah en oui? faisant les sourcils. Ah. Enfin, comme je fais debout, du coup, la Oui. cire, elle est glissée sur les sourcils. Et Oh donc, là là. voilà, c'était pas très sympa. Ah Oui. oui. Ah d'accord. Oui. J'imagine. Et après, Voilà. tu as dû tout arracher du coup. Bah là j'ai pas tout arraché, j'ai essayé de mettre un petit Non. peu d'huile, mais c'est vrai Ah. que non, heureusement j'ai Ah pas tout oui. arraché, mais sur le Ah coup j'ai eu très peur. Après c'est ben vrai que le résultat il était pas top top, mais bon là ouais. T'as sauvé les le meubles, comme plus on j'ai dit. réussi à faire sortir avec un peu d'huile, mais c'était pas Ouais, évident. Non. j'imagine. On fera un live prochainement avec Astrée sur l'épilation. C'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de conseils à donner. Et donc là, le conseil, ce serait Alors, d'essayer de ne pas utiliser une cire trop, de trop liquide, entre non, guillemets, pour surtout les quand on fait les sourcils. sourcils debout, Bah ouais, c'est sûr. c'est pas conseillé, non. Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton produit de beauté un peu incontournable ces temps-ci? J'imagine que ça va être Ringana. Raconte-nous en ce moment. Oui, là, je découvre les produits Ringana. Je suis très contente de la crème pour le contour des yeux. Ah Je oui. vois vraiment un effet sur mon contour des yeux, un aspect D'accord. un peu plus ferme. Et je vois vraiment D'accord. le résultat. Ok. Oui. Ok, super. C'est vrai que c'est une zone assez particulière en général dans son visage. On conseille de, oui, d'avoir un produit, pourquoi pas, adapté parce que c'est À une peau très s'adapter. fine. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, c'est le moment de passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, rubrique que personnellement j'aime beaucoup, puisque avec le côté audio, c'est un peu sa force, il y a l'imaginaire qui intervient. Du coup, là, il y a trois caractéristiques qu'on aimerait que vous deviniez, que vous imaginiez sur ma belle invitée Andrea. Déjà, son âge, d'où vient son accent aussi, ça je trouve que c'est plutôt rigolo, et le Va temps voir. qu'elle passe dans sa salle de bain le matin pour se préparer pour un jour normal. Voilà, donc j'espère que vous avez assez entendu pour vous positionner sur ces trois caractéristiques, donc l'âge, la provenance de son accent, entre guillemets, et le temps que Andrea passe dans sa salle de bain le matin, quand c'est un jour assez classique pour se préparer. On attend vos propositions, on va regarder qui nous écoute actuellement. On a Juliette, Carla, Du, Astrée, Sophie, Emma, Daphné, Louis, Charo et Léa. N'hésitez pas, c'est parti pour les devinettes. Et Juliette va se positionner. Alors Juliette, qu'en penses-tu toi? Je dirais 35 ans, Amérique latine, et elle doit passer une demi-heure dans sa salle de bain. Je pense une demi-heure. Alors on attend encore un petit peu au cas où si quelqu'un se positionne. Toi en général, Andrea, tu fais plutôt, on te dit plutôt que tu fais un peu plus ou un peu moins que ton âge dans la vie de tous les jours. Là, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on me dit rien. Mais avant, on me disait que je faisais moins. D'accord, ok. Mais On va bon. voir, on va voir. On va voir si là, ton discours et ta voix ont aussi inspiré un âge plus jeune que la réalité. Alors, on a Louis qui veut se positionner. Salut Louis! Coucou, je viens d'arriver, j'ai pas trop suivi, donc si vous pouvez répéter la question. Voilà. Bisous! Salut Louis. Bon, alors Louis, en même temps, après, tu connais un petit peu Andrea, donc tu ne devras pas deviner son âge ni d'où vient son accent, mais si tu veux, tu peux deviner le temps qu'Andrea passe dans sa salle de bain le matin pour se préparer. Et on a Léa qui va deviner un petit peu. Salut Léa, merci de participer. Moi, du coup, j'aurais dit pays soit d'Amérique latine, soit genre Espagne, Portugal, quelque chose comme ça. Voilà. D'accord, ok. Je crois qu'on a encore une intervention. Donc, Et Léa pour encore. l'âge, j'aurais dit environ la trentaine. La trentaine. Et qu'en pense Esther? Salut Moi, Esther. je pense qu'elle passe 45 minutes dans sa salle de bain. Ouf, ah, quand même, 45. Donc là, on est au-dessus des moyennes nationales. Hein. J'avais regardé que c'était entre 15 et 30 minutes en France en moyenne. Et Louis? Alors, bah du coup, au niveau du temps, je pense que Andrea, tu passes à peu près, ouais, une petite demi-heure, je pense, un peu comme la moyenne en France, je pense une petite demi-heure dans la salle de bain. Voilà. Des bisous. Alors, Andrea, éclaire-nous, Alors, révèle-nous. moi, dans la salle de bain, je passe, oui, environ 30, 35 minutes. J'ai D'accord. 32 ans, 30 Ok. piques, et je suis d'origine portugaise. Portugaise. Donc, Donc, on je a pense eu que c'est plutôt. Léa, Oui, je pense que c'était Léa Léa l'a qui... cité. Voilà. Ok, Vous savez tout. super. Voilà, on sait tout. Merci, Andrea. du coup, là, pendant que je poste sur Instagram la photo mystérieuse que tu as accepté de nous dévoiler ce soir, est-ce que tu pourrais un peu te présenter peut-être, nous dire ce que tu fais dans la vie, tes hobbies finalement, parce que ce que tu fais dans la vie, tu nous en as parlé. Oui, bien sûr. Donc, mis à part donc Ringana, donc. En ce moment, donc c'est ce que je fais, donc c'est mon travail maintenant. Ouais. Sinon, je passe beaucoup de temps avec ma fille, on fait beaucoup D'accord. d'activités ensemble, C'est et voilà, et on va profiter maintenant que tout est ouvert pour sûr. profiter encore plus pour faire des activités. Ouais, Voilà. j'avoue. Quoi de prévu, zoo, parc? oui, zoo. On aimerait bien aller à la piscine au bébé nageur. Donc, on va Ah oui. essayer cette fois-ci. Ah ouais. Voilà, j'espère que tout reste ouvert pendant longtemps. Ouais. Croisons les doigts. Du coup, Ouais. direction mon Instagram beauté imaginée avec le tir du 8 entre beauté imaginée, pas d'accent, pour découvrir la photo mystérieuse d'Andrea avec la photo de sa salle de bain. Et c'est parti pour le vrai faux. Andrea, on va tester tes connaissances et celles des Oh auditeurs là là, en matière de conservateurs. Alors, je j'ai compte 10 sur les questions pour toi. auditeurs. Tu veux qu'il te souffle la réponse? Du coup, Oui. tu espères, tu vises quoi toi comme note sur 10? 6. 6, ok. Oui. Un peu plus de la moyenne, ce serait une bonne note, j'avoue, j'avoue. Ouais. Donc, chers auditeurs, on attend vos réponses aussi. Lancez-vous, hein, c'est plus rigolo quand vous essayez de répondre de votre côté. Et nous avons déjà une intervention, Louis. T'inquiète pas, Andrea, on va t'aider, on va t'aider. Il n'y a pas de souci. Alors Louis, t'avais Merci eu combien Louis. déjà? Je crois que Louis avait une bonne note hein, au quiz sur son activité de make-up artiste. D'ailleurs, Louis, qu'on retrouvera prochainement dans un duel, un combat de quiz vrai-faux contre Astrée, c'est ce que vous avez choisi sur Instagram. Je retrouve pas la note de Louis, mais je crois que c'était, il y avait peut-être que une ou deux fautes dans, si je me trompe pas, dans sa prestation. 7 sur 8, ouais, c'est ça. C'était un bon score. Wow. Donc, Louis peut prétendre t'aider. Oui. Alors, du coup, première affirmation. Ah, on a Louis qui répond J'avais eu peut-être. 9, il me semble. 9 sur 10, il me semble. Je ne suis pas sûre, Alors, mais je 7 crois. sur 8. Et du coup, ouais, c'est dans. Voilà, une faute seulement sur le thème du maquillage, en tout cas. Première affirmation. Super. Le conservateur, c'est l'ingrédient qu'on ajoute au produit pour qu'il tienne dans le temps. Donc, il agit contre la prolifération de champignons et de bactéries ou contre le rancissement d'un corps gras. Vrai ou faux, Andrea, selon toi? Je pense que c'est faux. Je pense qu'il va agir sur la prolifération des bactéries, mais suis pas sûre pour le corps gras, c'est ça que tu as dit? Alors, le conservateur à la fois peut agir contre la prolifération de champignons et de bactéries ou contre le Oui. rancissement d'un corps gras. Il y aurait ces deux actions. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est que sur la prolifération des champignons et bactéries. D'accord, tu dirais faux, Andrea. Alors, on va voir ce qui nous est proposé comme réponse. Ah, on a plusieurs participations. Merci beaucoup de participer, ça fait plaisir. Juliette? Moi, je pense que c'est vrai. Alors, Juliette n'est pas d'accord avec toi. On a Jen. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe SNCF, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une excellente et heureuse année 2011. Ah, 2011. Bon, bah, je pense que depuis Super. 2011, on a fait pas mal de découvertes côté conservateur. On va voir du coup si, pour le coup, Andrea a vu juste pour la définition du conservateur et ses actions. Louis? Je suis d'accord avec Andrea, le conservateur, ça évite la prolifération de tout ce qui est microbes et bactéries. Ok, Sophie. Moi, j'aurais dit vrai. Ah, donc là, Sophie n'est pas d'accord avec Louis et toi, Andrea. Léa? Moi, pour cette question, je répondrais vrai. Ok, Oh, Emma, salut moi Emma. personnellement, je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai, Emma? Moi personnellement, je pense que c'est vrai. Ah, il est parti deux fois. Il y a eu deux fois l'audio pour Emma. Alors, toujours roulement de tambour, c'est assez mitigé. Alors, c'est vrai, c'est bien vrai. Donc, D'accord. c'est à cause du rancissement du corps gras, c'est ça qui t'a trompé. Ouais, En c'est fait, ça. il y a bien ces deux actions dans un conservateur. En fait, bon, c'est un sujet d'actualité hein, parce que beaucoup de conservateurs sont controversés au niveau de leur impact sur notre santé, parce qu'ils peuvent être un peu allergisants, irritants, vu que leur but, c'est de détruire les organismes vivants, type bactéries, champignons, etc. Mais ils ont aussi comme objectif d'empêcher les relations un peu chimiques qui peuvent avoir lieu entre un corps gras et l'oxygène, en fait. Donc, D'accord. y a ces deux types de conservateurs, finalement. Et comme on peut dire que c'est des ingrédients qui n'apportent pas d'effet bénéfique à la peau directement, ils lui permettent d'éviter un effet négatif, mais ils n'apportent pas en eux-mêmes d'effet positif. Du coup, c'est aussi pour ça qu'ils sont décriés, parce que on pourrait du coup être tenté, enfin, de vouloir limiter leur utilisation. C'est dans cette optique qu'on nous recommande de ne pas utiliser trop de produits de beauté différents en même temps, parce que les surcouches de D'accord. produits, c'est aussi des surcouches de conservateurs, forcément. Mais OK. il faut quand même garder à l'esprit qu'il est important de trouver un moyen de conserver les produits cosmétiques dans de bonnes conditions, et que de toute façon, les conservateurs ne peuvent pas être utilisés au-delà d'un certain pourcentage de la loi. En fait, chaque conservateur va avoir un pourcentage maximum autorisé. Voilà, il y a des études qui sont faites récemment par rapport à ça, régulièrement, je veux dire, par rapport à ça. Et en fait, la réglementation européenne répertorie en tout 59 substances comme étant des conservateurs listés. Alors, entre-temps, D'accord. on a eu Jus qui a voulu peut-être participer Moi, aussi. personnellement, je pense que c'est faux. Ah, alors, malheureusement, Jus, c'était vrai. Et J'ai Emma a répondu. une question pour conserver tout ce qui est cosmétique. Pourquoi on le met dans le froid? C'est pour réduire tout ce qui est bactéries? Ah, alors c'est vrai qu'on dit souvent d'éviter de placer les produits cosmétiques soit près de la chaleur, soit près de la lumière aussi, parce que ça va être en effet, ça va, chaleur comme lumière vont être de bons bouillons de culture pour les bactéries. Donc oui, Ouais, c'est c'est par vrai. rapport à ça en effet. Ouais, tout à fait. Alors, deuxième affirmation. Aucun conservateur n'est accepté par les labels biologiques cosmétiques. Vrai ou faux? Aucun conservateur n'est accepté par les labels biologiques cosmétiques. Qu'est-ce que tu en penses, Andrea? Je dirais faux. Tu penses que c'est faux? Alors, on va voir ce que nos auditeurs en pensent. On a Juliette, Carla, Astrée, Sophie, Emma, Daphné, Esther, Léa, Jules, Louis, Nikita, Laurie, Renaud et Samantha. Merci à tous d'être présents ce soir. Est-ce que vous pensez également que les labels biologiques cosmétiques n'acceptent aucun conservateur dans leur charte? Alors, Louis? Hop. C'est faux, je pense, puisque dans les conservateurs, il y a aussi certains conservateurs qui sont naturels. Voilà. Louis est d'accord avec toi à nouveau, Sophie? Voilà, je suis Moi, je contente. dirais faux également. Même avis pour Sophie, Esther. Moi, j'aurais dit faux aussi, parce que on est obligé d'en avoir des conservateurs, non? On va le savoir dans un instant. Emma? Moi, personnellement, je pense que c'est faux. D'accord, donc pour l'instant, tout le monde est plutôt unanime. Et Juliette? Moi, je dirais faux. Donc là, vraiment, c'est tout le monde est d'accord et tout le monde a raison. Bien joué. Ah. Comme a dit Esther, on a besoin de produits, enfin de conserver les produits cosmétiques. Donc, tout à fait, les conservateurs, il y en a aussi dans les produits biologiques. En fait, label biologique, ça veut dire que certains ingrédients sont cultivés selon les règles de l'agriculture biologique, sans pesticides, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun produit synthétique en fait dedans. Ça veut juste dire qu'il y en a au moins une partie qui sont cultivés selon les règles de l'agriculture biologique, naturellement, etc. Et au passage, du coup, hein, un label biologique, ça ne garantit ni l'efficacité ni l'absence d'allergie en fait, hein. C'est vrai qu'en général, on fait des allergies à des éléments de la nature. Donc, on peut souvent se dire biologique, naturel, ça veut dire que tout est parfait, mais ça garantit ni l'efficacité ni l'absence d'allergie. J'avais fait un live d'ailleurs à ce sujet avec Esther, hein, qui vient de participer justement. C'était assez intéressant parce qu'il y avait pas mal d'infos là-dessus, si ça vous dit, si ça vous intéresse. Alors, on a Jules qui veut intervenir. Si j'aurais répondu faux, car les produits, enfin, pour certains, la plupart des produits bio, ils ont des conservateurs et c'est grâce à ça qu'on peut conserver du coup les produits beaucoup plus longtemps. Ouais, bien, bien joué, Oui, Jules. c'est vrai. Et bien joué, Andrea aussi. On a Laurie aussi. Salut, Laurie! Et j'avais une question par rapport à ça, l'agriculture biologique, parce que j'avais entendu dire que l'agriculture biologique, c'était pas forcément synonyme de moins d'allergies ou de moins d'allergènes. Donc peut-être que des conservateurs, ça a peut-être un lien avec les conservateurs, je ne sais pas si tu sais, Alice. En fait, le vrai point, c'est qu'aujourd'hui, avec toute la tendance du naturel, etc., on a tendance à se dire, si c'est dans la nature, c'est que c'est bon pour moi, c'est que j'aurai aucun souci d'allergie et tout ça. Alors qu'en fait, si on reprend les bases dans l'alimentation, on est allergique à des choses qu'on mange et qui sont naturelles. Quand je pense aux cacahuètes, etc., il y a des gens qui sont allergiques aux fraises ou aux chats. C'est vrai. Tout ça, c'est naturel, on ne les a pas créés en laboratoire. Donc, les allergies, c'est un petit peu difficile à prévoir, à anticiper. Il y a plein de choses, hein, terrain génétique, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est pas parce que c'est naturel qu'on ne sera pas allergique, en effet. La plupart des poisons, en fait, enfin, les poisons, on en trouve dans la nature, hein, les champignons, etc., qui peuvent être mortels. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, tout ce qui est sensibilisation de la peau à différents ingrédients, là, c'est un autre sujet, ça peut être le fait que certains ingrédients, comme les conservateurs en l'occurrence, sont assez agressifs. Et comme l'industrie cosmétique aurait tendance à utiliser de plus en plus les mêmes produits, ceux qui sont un peu acceptés par le grand public, etc., et comme on a tendance à utiliser beaucoup, beaucoup de cosmétiques au quotidien, on a du coup, tendance toujours à s'appliquer plusieurs fois les mêmes produits un peu irritants. Et ça peut créer après des allergies. Donc, la morale, hein, c'est toujours d'éviter en fait la surconsommation en cosmétiques aussi. C'est pas l'idéal. Il vaut mieux faire un peu plus soft. Est-ce qu'on passe à la troisième question? On a une bonne réponse, une réponse fausse pour le moment. Prête, Andrea? Oui. Troisième affirmation, les labels de cosmétiques biologiques n'autorisent pas du tout les conservateurs synthétiques dans les compositions. Qu'est-ce que tu en penses? Et tu qu'est-ce peux que vous en répéter les pensez? labels, pardon? Les labels de cosmétiques biologiques, les labels bio, ils Oui. n'autorisent pas du tout les conservateurs synthétiques. Ils autorisent que les conservateurs naturels dans les compositions. Je dirais que c'est ouais. Je dirais que c'est faux. Je pense que tout va dépendre peut-être de la quantité. Ouais, faux. Donc, ça veut dire que les labels de cosmétiques bio tolèrent les conservateurs synthétiques. C'est ça que tu penses, toi. Peut-être que c'est Ah, je veux pas, je ouais. veux juste, je reformule juste, hein, je ne veux pas t'influencer. Ouais, je pense qu'après, ça dépend de la quantité, mais je sais pas. Hein, c'est... Ouais. Tu penses que peut-être du coup, ils vont imposer une Je pense quantité qu'il doit avoir minime. une norme. Ouais. Alors, avant de donner la réponse, on va écouter l'avis de Juliette à ce sujet. Cette fois, je dirais vrai. Alors, cette fois-ci, Juliette n'est pas d'accord avec toi. Juliette, donc tu penses que les labels de cosmétiques bio ne veulent pas de conservateurs synthétiques dans les compositions. Qu'est-ce qu'en pense Louis? Alors, je pense aussi que c'est faux parce que beaucoup de marques justement bio utilisent des conservateurs synthétiques ou plus ou moins naturels, mais je pense que ouais, je pense comme Andrea, je pense que c'est faux parce qu'ils en utilisent quand même. Mais voilà, à toi de nous dire. Hein. J'attends la réponse. Et oui, dans un instant, il y Moi a encore aussi. Emma. Quel suspense, n'est-ce pas? Est-ce que Emma est d'accord avec vous? Moi, je sais pas trop, mais je crois que c'est vrai. Après, ben, je m'y connais pas trop. Ah ben, c'est le but, t'inquiète pas Emma, le but c'est d'en apprendre sous forme un peu ludique, on va dire. Eh bien, c'était faux. Bien joué Andrea. Ah, Du super. coup, en effet, hein, un produit cosmétique n'a pas d'obligation d'avoir uniquement des ingrédients biologiques dans sa composition. Et c'est d'ailleurs très rarement le cas qu'un produit cosmétique bio soit à 100% avec des ingrédients biologiques. Parce que, par exemple, l'eau n'est pas un ingrédient biologique, parce que l'eau n'est pas C'est vrai. quelque chose de vivant. C'est Donc, vrai. déjà, ça change le. On ne peut pas avoir du 100% dans ces cas-là. Après, il doit sans doute y en avoir, mais c'est assez rare. Donc, pour revenir à ces chartes des labels cosmétiques bio. Du coup, en fait, il existe des conservateurs synthétiques qui sont quand même autorisés. Donc, qui sont ceux qui sont autorisés par ces labels-là, c'est ceux qui existent dans la nature, mais qu'il est trop difficile d'extraire dans des quantités importantes, en fait. C'est comme ça, en général, que les labels de cosmétiques bio fonctionnent, tu vois. Donc, on a D'accord. par exemple l'acide benzoïque, l'acide salicylique, l'acide sorbique. Au total, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation européenne a listé 59 substances comme étant des conservateurs, donc des conservateurs pour les produits cosmétiques. Et parmi ces 59-là, il y en a 5 qui sont autorisés en cosmétique bio. D'accord. Alors, pour l'instant, nous avons deux bonnes réponses, Andrea. On passe à la quatrième affirmation. Alors, le levier de contamination principal d'un produit cosmétique, c'est notre doigt dans le produit. Vrai ou Tu faux dis que selon toi? tu dis Le le levier c'est de le principal. contamination, le principal, la principale source de contamination d'un produit cosmétique, c'est quand on utilise le doigt pour prendre le produit dedans. Je dirais faux, je pense que c'est pas la le seul Ni le principal, du coup. Non. Je pense que c'est faux. Alors, pour toi, c'est faux. Est-ce que nos auditeurs sont d'accord, Juliette? Je dirais vrai parce que je vois pas vraiment d'autres moyens de contamination. Merci, Juliette, de ta participation. Merci, lui aussi. Je dirais faux également. Je pense pas que c'est le seul et le principal parce que t'as le contact aussi avec Claire, donc je pense que c'est faux. Je pense un peu comme Andrea. Ok, décidément, Louis-Andréa a la même longueur Merci. d'onde. Hein. Ouais, c'est ça. Eh bien, bien joué. Parce que, ah, on a quelqu'un d'autre qui voulait intervenir, mais en effet, c'est faux. Est-ce que Moi, Emma avait personnellement, je juste? pense aussi que c'est faux. Bien joué, Emma. Tout à fait. En fait, figurez-vous, j'ai été assez surprise d'apprendre ça. Seulement 1% des pollutions, apparemment, proviennent de l'utilisation par le consommateur, en fait. C'est assez fou, non? Seulement D'accord. 1%. À ton avis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme source de contamination? Parce que justement, Juliette disait qu'elle avait du mal à penser à d'autres. Est-ce que toi, tu as des idées, Andrea? Je ne sais pas, mais peut-être les endroits un peu chauds aussi, c'est pas bien pour conserver les produits. Peut-être l'humidité aussi, je sais pas si. Je pense que ça peut provoquer aussi une prolifération des bactéries. Oui, pourquoi pas, ouais. Voilà, j'ai pas d'autres idées en tête en ce Non, moment. bah, alors figure-toi que en fait, les conservateurs sont surtout, enfin, énormément utiles pour la pollution qui s'introduit pendant la fabrication dans l'usine. C'est à ce Ah ouais. moment-là, en fait, qu'il y aurait énormément de contamination. C'est fou, non? On y pense Oui, rarement, en fait, à bah oui. cette phase-là. Mais il faut quand On même pense. imaginer que pour créer des produits, en général, c'est d'énormes cuves dans lesquelles sont mélangés des ingrédients. Et donc, selon la modernité, etc., de l'usine, il peut y avoir des bactéries, Ouais. etc., qui s'introduisent. Donc, c'est quand même assez surprenant, hein. On Ouais, a j'avoue, Jules et ouais. Louis qui veulent réagir. Moi, je suis très partagée parce que je sais que bah, c'est vrai qu'on met souvent notre doigt dans nos crèmes pour récupérer du produit. Après, il me semble que, enfin, il y a aussi le fait d'être au contact avec l'air et aussi la composition, du coup, le fait qu'on ait de l'eau. Du coup, ça favorise la création de bactéries et etc. Ouais. Tout à fait. Mais donc voilà, le scoop là, c'est le côté fabrication du produit. Et Louis? L'eau, merde, qu'est-ce que je raconte? Moi, je pense que en moyen de contamination, tu as aussi, quand tu laisses par exemple un produit ouvert, les Ouais, bactéries, ah oui. sont en suspension, donc elles vont forcément dans ton produit, je pense. Oui, Ouais, t'as oui. raison. Ça doit aussi intervenir. Ouais, y a de toute façon plein de moments où en fait le produit peut être contaminé, mais notamment lorsqu'il est fabriqué. Alors justement, cinquième affirmation. Pour l'instant, bien joué, tu as 3 sur 4. Aïe, Encore aïe, trois aïe. bonnes réponses et tu auras atteint ton objectif de 6 sur 10. Alors, Aïe, aïe, chers aïe. auditeurs, pour choisir la quantité de conservateur qu'une marque place dans son produit, un calcul précis est réalisé. Vrai ou faux, Andrea? Tu peux répéter le début Alors, de... pour choisir la quantité de conservateur qu'une marque place dans son produit, elle va faire un calcul précis. Je dirais vrai. Je pense que c'est vrai. Oui. Alors, qu'en pensent Juliette, Carla, Astrée, Sophie, Emma, Daphné, Esther, Jus, Louis, Nikita, Léa, Alicia et Laurie? Merci à tous en tout cas d'être présents ce soir. Et on a pas mal de participation, ça fait vraiment plaisir. Alors, qu'est-ce qu'en pense Esther? Moi, je suis d'accord avec Andrea, je dirais vrai aussi. Je pense que c'est vrai, Sophie. Moi, je dirais vrai aussi. Vrai aussi pour Sophie, Juliette. Allez, je dirais vrai. Ok, et Louis? Alors, je sais pas là. Pour le coup, je dirais vrai et faux parce que c'est réglementé par rapport à la quantité. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a calcul ou est-ce que c'est un peu, comme on peut dire, au feeling? Et Emma? Moi, je pense que c'est vrai, encore une fois. Eh Eh j'espère en bien, tout cas que... bravo, bien joué. En effet, il y a un calcul vraiment précis d'établi. Voilà, les ingénieurs, du coup, les scientifiques essayent d'aller au plus juste. Alors, figurez-vous qu'en fait, quand un laboratoire formule des produits cosmétiques, il va regarder apparemment trois éléments pour définir la concentration des conservateurs à insérer. Déjà, il regarde si le produit est très aqueux, donc c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'eau dedans, comme les crèmes qu'on évoquait tout à l'heure. Les crèmes, comme c'est constitué principalement d'eau, c'est un terrain génial pour les bactéries. Le laboratoire va aussi regarder si le packaging est en contact avec les doigts. Voilà, si comme pour Ringana, on a plutôt des pompes, des flacons airless, bah là, du coup, dans ce cas-là, il y a moins de contamination. Et dernier point, ce laboratoire va regarder si l'usine est moderne. Donc, par exemple, une usine de type pharmaceutique, là, c'est le top, elle va suivre des normes exigeantes, ça va limiter la prolifération éventuelle des micro-organismes. Mais parfois, il y a des usines un peu plus anciennes. Et là, du coup, il faut plus de conservateurs, le calcul va prendre ça en compte. D'accord, c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien, mais bravo. Non, c'est C'est bien, bien, c'est bien. tu as bien Ouais. répondu. Heureusement que c'est Oui, bien c'est contrôlé. vrai. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. T'as raison. C'est plutôt rassurant. Ouais. Sixième affirmation, il existe des techniques pour réduire la quantité de conservateurs traditionnels dans un produit de beauté classique, conventionnel, quoi. Je répète, Il il existe, ouais. existe des techniques pour réduire la quantité de conservateurs traditionnels dans un produit de beauté classique. Sous-entendu, pas bio, quoi, un produit de beauté. Il y a quand même des techniques pour réduire sa quantité de conservateurs. Tu penses que c'est vrai ou que c'est faux? Je pense que c'est vrai. Je pense que peut-être les techniques, ce sera des conservateurs naturels. Je sais pas. Je dirais Peut-être, vrai. peut-être. Tu penses que c'est vrai? Il y a Juliette. Non, je dirais faux. Ça me semble trop gros. Tu penses, Juliette, qu'on ne peut pas du tout réduire du coup, que c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai qu'on puisse réduire Ouais. les conservateurs. Et Louis? Pour le coup, là, je dirais faux. Ah, eh bien, ils ne sont pas d'accord avec toi, Avec Andrea. moi, Ah, je tu vois mince. ça. Et Emma? Moi, je suis mitigée, je pense que Ouais. c'est vrai. Emma pense que c'est vrai, donc elle est d'accord avec toi. Esther? Je dirais faux, je pense pas. Ah, Esther est du même avis que Juliette et Louis. Eh bien, Andrea et Emma, vous aviez raison, c'est vrai. Il y a bien sûr des façons de réduire la quantité de conservateurs traditionnels. On l'a dit, vu qu'il y a un calcul précis qui est fait selon la forme galénique du produit, s'il est très aqueux, s'il y a beaucoup d'eau dedans, selon le packaging, selon la modernité de l'usine. Du coup, on peut jouer sur tous ces paramètres pour réduire la quantité au moins de conservateurs. Alors du coup, ce qu'on peut faire déjà, c'est réduire en effet la quantité d'eau du produit, puisqu'on l'a dit, c'est dans un milieu aqueux que les bactéries se développent le mieux. On peut aussi réduire le format. Apparemment, si on a une quantité de produits moindre, il y a vraiment, vraiment beaucoup moins de conservateurs nécessaires. En fait, ce n'est pas proportionnel à la quantité, tu vois, de la cuve. C'est vraiment un peu exponentiel apparemment. Par rapport à la cuve utilisée, mais aussi par rapport au format qu'on utilise dans nos salles de bain, quoi, du coup. Ce qu'on peut aussi faire, c'est changer le packaging. Donc là, on l'a évoqué, c'est tout ce qui est technologie airless, par exemple, comme pour ta marque Ringana. Ça permet que le consommateur ne touche pas du tout le produit. Il y a aussi tout ce qui est du coup. Non, là, je crois que je vais embrayer sur l'autre affirmation. Oui, alors du coup, pour faire des packaging airless, ça implique que toute l'usine soit étudiée pour empêcher les micro-organismes d'entrer au moment où le produit est fabriqué. C'est ça que ça implique. C'est pour ça que ça peut peut-être coûter un peu plus cher parce qu'il faut mettre aux nouvelles normes l'usine. Du coup, nous passons à notre septième affirmation. Eh bien, Joël, là, t'es à 5 sur 6 pour le moment. Ah, c'est bien. C'est Je suis toujours contente. désagréable quand on... Ouais, bien joué, bien joué. Quand on commence en se trompant, on se dit, mince, ça se trouve, je vais avoir C'est zéro. vrai. Et non, en fait, après, t'as eu que des bonnes réponses. Pour Alors, l'instant. Andrea, pour l'instant, une alternative à l'utilisation des conservateurs, c'est de formuler un produit cosmétique en poudre, parce que sans eau, les bactéries ne peuvent pas se développer dedans. Vrai ou faux? Qu'en penses-tu? Une alternative à l'utilisation des conservateurs, c'est de formuler un produit cosmétique en poudre. Vrai ou faux? Bah, je dirais vrai, mais après, je dirais vrai que ça peut être une alternative, mais après, ça dépend du produit. Je ne vois pas après comment la personne va utiliser le produit en poudre. Mais bon, je dirais vrai, parce que ça peut être une alternative. Non, je sais pas. C'est Non, un peu. mais Ouais, je sais pas. tu as raison de te faire confiance. A priori, un regard là, tu as eu déjà 5 bonnes réponses. Est-ce que ça inspire quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé un produit cosmétique sous forme de poudre? Louis? Moi, je dirais pareil qu'Andrea. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est une vraie alternative pour éviter tout ce qui est développement bactérien. Pour la conservation, pardon. Excusez-moi. Oui, mais t'as raison, c'est C'est pour vrai. éviter le développement bactérien. Tout à fait. Sophie? Elle est difficile cette question. Je sais pas, j'aurais dit vrai aussi, mais je suis pas persuadée. Eh bien, bien joué à nouveau. En effet, c'est une des alternatives possibles parce que, en fait, en milieu solide, la bactérie, qui est un organisme vivant, ne peut pas se proliférer puisqu'elle a besoin d'eau pour se reproduire, etc. Donc, du coup, un produit constitué sous forme de poudre peut ne pas nécessiter de conservateur. Moi, la marque qui m'a fait découvrir ça, c'est Yodi. C'est une marque assez récente. Je crois qu'elle est née l'année dernière. Alors, elle, le principe, c'est qu'elle vend des nettoyants et des shampoings, si je ne dis pas de bêtises, sous forme de poudre. Et leur axe aussi, c'est que c'est beaucoup plus écologique parce que, en fait, les produits que nous, on utilise dans notre salle de bain, en général, il y a déjà ce mélange d'actifs et d'eau. Et du coup, ça veut dire qu'on transporte l'eau de l'usine au magasin. Et tout ça, ça a un coût, évidemment, le transport. C'est des produits, du coup, qui prennent plus de place, alors qu'au final, ils sont constitués à, je crois, 80% d'eau, quelque chose comme ça, pour tout ce qui est shampoing, notamment, et nettoyant. Donc, c'est pour ça que cette marque a suivi cette technique. Et en l'occurrence, voilà, ça évite l'utilisation de conservateurs. Après, tout ce qui est fard à paupières côté maquillage, ça permet aussi de limiter, voire ne pas avoir hein, de conservateur. Louis? Je pense notamment à tout ce qui est justement shampoing solide. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant, par exemple aussi les dentifrices solides, etc. Donc je pense que ça fait un peu partie de tout ça. Eh bien, tu as vu, Ouais. tu vois très juste, Louis, puisque c'est ma prochaine affirmation. Les produits solides, comme les shampoings solides ou les pains de savon, peuvent ne pas nécessiter de conservateur. Vrai ou faux? Du coup, c'est vrai. Du coup, c'est vrai. Louis, je pense, va dire que c'est vrai aussi. Oui, en effet, en effet. En fait, c'est le même principe. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de prolifération bactérienne ou de champignons. Et comme, Ouais. enfin, si ce n'est pas un corps gras qui aura tendance à un peu évoluer, tu vois, à perdre sa stabilité, à faire des liaisons chimiques avec l'oxygène et du coup à changer de couleur, comme par exemple, tu vois, tout ce qui est beurre de karité, si tu le laisses à Oui. l'air libre, il va rancir. Comme du Oui. beurre de cuisine, il va avoir tendance à se noircir. Et du coup, pour éviter ça, il peut y avoir des conservateurs. Mais pour un pain de savon, en l'occurrence, et les shampoings solides, on peut les formuler sans conservateur. Donc, D'accord. je crois que Louis allait dans ce Bah pour le sens. coup, là on est obligé C'est de dire vrai. vrai quoi. C'est ça. Attends, est-ce que Juliette va dire faux? Moi je veux dire que c'est vrai aussi. Ah, Bien joué, Juliette. c'est Bien bien. joué, Juliette. Je suis mauvaise langue. Parce que parfois, Juliette, après, se rend compte qu'elle a parlé trop vite. C'est pour ça que je la taquine. Alors, on va passer du coup à notre neuvième affirmation. Dans les huiles cosmétiques, on n'ajoute jamais de conservateur. Vrai ou faux? Dans les huiles, Les huiles en cosmétique. je dirais que c'est. Jamais, je dirais que c'est faux. Ça te semble trop fort. Ah, on a Juliette qui intervient. En fait, j'en avais aucune idée et j'ai voulu dire pareil que Andrea et Louis. Voilà. Et Juliette à Et pour nouveau. celle-ci, je dirais faux sans tricher. Ah. Très bien, Juliette. Et Louis? Moi, je dirais que c'est faux puisque en soi, l'huile est déjà un conservateur. Bien joué à tous les trois. Alors, c'est faux en effet. C'est pas tant que l'huile est un conservateur, hein, parce que c'est pas en ajoutant de l'huile à de l'eau qu'on va éviter aux bactéries de proliférer. Parce qu'il y a beaucoup de solutions, voilà, un peu mixtes comme ça, avec de l'huile dans de l'eau, notamment les crèmes. C'est à peu près, si je me trompe pas, ce genre de formulation. On ajoute des corps gras huileux. Pourquoi pas des huiles végétales dans de l'eau pour ensuite essayer d'avoir cette texture crème. Enfin, tout ça pour dire que du coup, l'huile n'est pas un conservateur, mais en effet, le fait qu'il y ait. Ah, mais du coup, ça va à l'encontre, Louis, au fait. Excuse-moi. Parce que là, l'affirmation, c'était dans les huiles cosmétiques, on n'ajoute jamais de conservateur. Donc, Louise, je pense que tu voulais dire vrai, parce que c'est faux. On peut ajouter quand même des conservateurs. En l'occurrence. Pas toujours, mais il y a des conservateurs de temps en temps dans certaines huiles, notamment sèches. J'ai vu sur une des D'accord. applications le sodium benzoate ou le potassium sorbate qui peuvent être utilisés. On peut aussi trouver du coup des antioxydants pour que l'huile garde sa tenue et son odeur. Parce que le mot conservateur, ça veut dire conserver. Donc pour que l'huile ne change pas de senteur, parfois on est obligé d'ajouter quelque chose. Mais en effet, D'accord. la forme galénique de l'huile pour un produit cosmétique, ça peut aussi permettre de ne pas ajouter de conservateur du tout. Donc, c'est aussi une des pistes pour utiliser moins ou pas de conservateur. Louis veut réagir? D'accord, bah je savais pas pour le coup, bah merci de l'info en tout cas. Merci de ta participation, Louis. Du coup, on passe à notre dixième et donc dernière affirmation. Tu es prête, Andrea? Oui, Est-ce que tu vas faire je suis un 9 prête. sur 10? Alors, J'espère. autre possibilité pour ne pas utiliser de conservateur en cosmétique, réaliser ses produits cosmétiques soi-même et ne pas ajouter de conservateur. Vrai ou faux? Vrai. Tu penses que c'est vrai? Ouais, Qui je nous pense que écoute c'est là vrai. tout de suite? Qui va peut-être donner son avis sur cette dernière affirmation? Nous avons Juliette, Carla, Astrée, Sophie, Emma, Daphné, Esther, Jus, Louis, Nikita, Alicia, Laurie, Colmont, Léa. Est-ce que vous êtes d'accord avec Andrea? Est-ce que pour vous, une autre possibilité pour ne pas utiliser de conservateur en cosmétique, c'est de réaliser ses produits cosmétiques soi-même et du coup de tout simplement ne pas ajouter de conservateur dedans. Est-ce que c'est une des possibilités? Qu'en pense Louis? Je pense comme Andrea, je pense que c'est vrai aussi. Tu penses que c'est vrai, Juliette? Pour la dernière, je dirais faux. Faux pour Juliette, Ah mais Sophie? du coup, j'ai pas compris la question. Enfin, en gros, si on n'en met pas de conservateur, bah normal, il n'y en a pas. Mais est-ce que du coup, on pourra Est-ce l'utiliser que c'est longtemps? Ça, je viable? sais pas. Bon, allez, je vais dire vrai. Jus? Alors, moi, je pense que c'est vrai, mais du coup, pour l'utilisation, faut que ce soit une utilisation peut-être immédiate, mais enfin pas à conserver très longtemps, parce que du coup, il risque du coup de se développer plein de bactéries si on laisse le produit sans conservateur, sachant qu'il contient de l'eau. Ouais. Et Alicia, salut Alicia. Bah, je pense que c'est vrai. Tu penses que c'est vrai aussi? Bien joué, c'est vrai. Alors, donc pour rebondir sur l'interrogation de Sophie, bien sûr, on peut tout simplement dire bah on n'en a pas mis, donc c'est que c'est vrai, on peut ne pas en mettre. Mais est-ce que ça va être quand même utilisable? En fait, finalement, si on réduit le délai entre le moment de fabrication et le moment de consommation, c'est comme en cuisine, on peut se passer de conservateur. Maintenant, attention, ça va quand même, du coup, donner un produit qu'il faudra utiliser assez rapidement. Et il faut quand même apprendre pas mal de choses, en fait, avant de formuler un produit cosmétique. Il y a pas mal de règles d'hygiène, notamment, pour éviter de le contaminer. Voilà. Et ensuite, on a quand même pas une conservation très très longue, mais étant donné que là il n'y a pas le délai de transport de l'usine au magasin à l'achat chez nous, etc., on peut quand même C'est vrai. avoir quelques jours à utiliser ce produit. Je sais pas si toi, Andrea, tu as déjà fabriqué toi-même un produit cosmétique. Non, jamais. Jamais. Jamais, pas J'aimerais encore. bien, mais non, pas encore. Ouais. Ça Mais pourrait faire un j'aimerais bien. thème, ça. C'est vrai que Oui, c'est vrai. c'est assez d'actualité C'est aussi pour tout ce intéressant. qui est Oui. naturel. Transparence aussi. Aujourd'hui, les consommateurs veulent vraiment savoir ce qu'il y a dans les produits qu'ils appliquent sur leur peau. En tout cas, pour conclure sur ce sujet très intéressant des conservateurs, de leurs alternatives, la vraie clé, on peut dire, si on est un peu inquiet hein, face à tous ces conservateurs présents dans nos cosmétiques, c'est quand même de consommer moins au final pour éviter les surcouches d'ingrédients qui seraient moins bons pour nous. Et il ne faut pas oublier quand même qu'en Europe, on a une des réglementations cosmétiques les plus rigides. Les études sont assez nombreuses. Il y a des études commanditées régulièrement par les organismes de contrôle de l'Union européenne. Donc, on peut quand même être relativement serein à ce sujet. Mais c'est vrai que c'est important quand même, pourquoi pas, d'y être sensibilisé. Bah, bravo, Andrea, en tout cas. Ça nous fait Yeah, je un suis 9 contente. sur 10. Ah ouais, là, bah, tu vois. Tu as battu Louis avec son 7 sur 8? Non. Enfin, disons que Louis peut-être allait continuer à avoir de bonnes notes. Mais Oui. donc, bien joué. Bien joué et merci beaucoup à tous les auditeurs qui ont participé. C'était hyper sympa et dynamique. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, je vous conseille de regarder alors le site de Ringana, pourquoi pas, la marque pour laquelle Andrea travaille. On a aussi le documentaire sur YouTube que j'ai bien aimé qui s'appelle Derrière les cosmétiques. Le site Cosmeticobs est une bonne source d'information. Et les podcasts de Beauty Toaster, comme notamment celui avec Cyril Télinge. Et c'est D'accord. bientôt la fin de notre live stéréo. de beauté imaginée. Si vous avez des questions, chers auditeurs, c'est le moment. Toi, Andrea, quelle info t'as la plus marquée là dans le vrai faux? C'est la septième question. Je pense que c'était avec les poudres. Tu m'as demandé, Ah je oui? sais plus. Ouais, c'était la plus compliquée déjà, mais ouais, que ça m'a marqué, oui. Ça t'a étonné, tu t'imaginais pas qu'on ait pu penser à proposer des produits sous forme de poudre pour qu'on mélange Non, nous-mêmes non. avec de l'eau. Ah Non, ouais, mais c'est vrai, je trouve ça c'est intéressant, innovant. oui. Ouais, Ouais. c'est vrai que Voilà. c'est intéressant. Ça me fait une super transition pour annoncer le prochain live, puisque samedi de la semaine prochaine, je recevrai Léa pour parler des Indie Brands. C'est tout ce qui est marque indépendante en fait en cosmétique. Et Yodi, la marque qui vend en l'occurrence des cosmétiques sous forme de poudre, en fait partie du coup. C'est vous qui avez choisi d'ailleurs ce thème sur Instagram, donc j'espère qu'il vous plaira. Toi, ça t'intéresse, Andrea, ce sujet? Oui, vraiment, Ouais. oui, beaucoup, oui. C'est d'actualité encore une fois. Si tu as une idée peut-être de questions à poser à l'invité ou quelque chose à faire deviner sur la prochaine invitée dans la rubrique Les auditeurs s'imaginent, je suis toute oui. Est-ce que t'aurais quelque chose là qui te viendrait en tête? Ah oui, je sais que les marques indépendantes utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour Ouais. communiquer avec leurs clients. Du coup, Ouais. on pourrait peut-être deviner combien de temps la prochaine invitée passe Oui. de temps par jour sur Ah. les réseaux sociaux. Ah ouais, j'avoue, très bonne T'en idée, c'est penses quoi? intéressant. Ouais, Ouais. c'est rigolo. C'est vrai que en plus avec les téléphones, les smartphones, on a la possibilité de savoir le temps passé par application, donc ça peut être assez cool. Bonne idée, on a Super. Emma qui veut intervenir. Avant, du coup, vous avez demandé si quelqu'un avait fait déjà des produits cosmétiques naturels, Oui. faits maison. Ben moi, je fais mon gommage avec du miel et du sucre. Ah. Et c'est Ah. hyper sain. Et en plus, ben, j'ai les pores tout lisses et c'est trop Ah bien. bah J'adore. bonne astuce. Ouais, j'adore. Emma est conquise par le gommage naturel. Ouais, c'est une bonne idée. Pour rebondir sur le côté pore tout lisse, etc. Je sais pas quel sucre, entre guillemets, tu utilises, mais il faut savoir que le fait de vraiment frotter très, très énergiquement sur la peau, ça pourrait avoir tendance à un petit peu l'irriter. Et si on a une peau qui a tendance à graisser, il y a un petit risque qu'ensuite elle surréagisse en reproduisant davantage de sébum, tu vois, si elle se sent un petit peu agressée quand elle est très gommée comme ça. Donc, c'est juste le petit. La petite alerte sur ce sujet des gommages. Il y a d'ailleurs des gommages chimiques qui existent, chimiques dans le sens où c'est une autre, c'est pas mécanique comme le gommage à grains. C'est D'accord. une autre façon d'agir. Ça peut être une alternative quand on a la peau grasse notamment pour ne pas l'abîmer. Et on a Cassim qui intervient. Salut Cassim. Salut les copines, vous allez bien? On peut Très se faire une bien. soirée pyjama? Bisous, bisous. Ah bah tu sais là avec le couvre-feu, ça y est, c'est passé, hein, 21h47, 47 minutes trop tard. Bon bah en tout cas, c'était bien sympathique. Ah Louis va Oui, intervenir. d'ailleurs, je Merci pense que Louis en tout tu cas. parles des peelings chimiques, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Les peelings chimiques peuvent être une alternative peut-être plus douce, même si le mot chimique peut faire peur, parce que souvent on a tendance à utiliser le mot chimique pour dire tout ce qui est synthétique, c'est-à-dire fabriqué en laboratoire. Mais en tout cas, le mot chimique en lui-même, ça correspond à tout, puisque même dans la nature, il y a des réactions chimiques en fait. Et Juliette intervient. Merci beaucoup de ta Merci pour ce live, c'était participation. très intéressant et j'irai jeter un coup d'œil justement sur la marque de Andrea. Ah bah. Ah, merci. Top Juliette. Et Astrée, salut Astrée. Merci beaucoup pour ce live, je participerai plus la prochaine fois, désolée. Pas de souci Astrée, tu peux être pour une fois une auditrice passive tant que ça t'apprend des choses. Eh bien, du coup, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés, d'avoir imaginé ma belle invitée. Andrea, merci beaucoup de m'avoir accompagnée et répondu. Merci Alice, à toi. J'espère Merci que beaucoup. tu as apprécié cet échange avec les auditeurs et tout ça. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup à toi et à tous les auditeurs. Bah, avec plaisir, ouais, c'était sympa d'avoir ton avis sur tout ça. Ah, oui, attention Astrée, parce que la prochaine fois, c'est nous qui sommes en duel. Hein. Oui, bien sûr Astrée, j'ai pas rebondi. Là, Astrée et Louis, préparez-vous. On va fixer la date bientôt pour ce duel. Maintenant qu'on peut avoir deux invités dans un live, on va organiser ça. Chers auditeurs, si un jour vous voulez être mon invité, faites-moi signe. Hein. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram Beauté Imaginée, sans accent, avec le tiré du 8 entre les deux mots. Et on se retrouve samedi 5 juin, la semaine prochaine, à 20h30, avec ma prochaine invitée Léa, pour parler des Indie Brands. Et pour finir, on a Astrée et Juliette. Oui, Louis, et je compte bien de te battre, même si j'ai aucune connaissance. Et Juliette ? Moi, je veux bien participer aussi au duel, parce que comme on a pu le voir, je suis plutôt douée pour les questions. C'est vrai. Juliette détient le record de la plus mauvaise note pour le moment. Mais du coup, Juliette, oh, on pourra peut-être, ce serait drôle ça, de faire se rencontrer les deux personnes qui ont eu la plus mauvaise note, pourquoi pas lors d'un duel. Ça peut être sympathique pour que les auditeurs se rendent compte qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. On est tous là pour apprendre. Astrée ? Le principe d'un duel, c'est duel, donc à deux. Astrée ne veut pas de Juliette. Cassim ? Je vous aime les filles, je suis très sincère. Je vous aime toutes. Bisous, bisous. Toutes. C'est beau. Il faut aimer l'humanité. C'est bien Cassim et Astrée. Bon, je pense que les deux personnes qui ont eu la plus mauvaise note, c'est Solène et moi. Ah, donc Astrée, tu reviendras et Louis te répond peut-être Astrée. Tout à fait, mais en tout cas, ce sera avec un grand plaisir et encore merci pour cette super émission, comme d'habitude. Au top. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup Louis. Bon bah Louis est plus doux que toi Astrée, mais j'espère qu'il y aura de la compétition ce soir-là. Merci tout le monde, merci Andrea. À bientôt pour un prochain live merci. Sur Stéréo de Beauté Imaginée. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Moi, je propose un tournoi. Donc, faire... plein de duels et après se faire faire se combattre les meilleurs de chaque duel pour avoir un vainqueur final. Pourquoi pas? Astrée veut créer une compétition Beauté Imaginée. Bah, vous allez inaugurer ça la semaine prochaine. Allez, on raccroche, ça y est. Salut à tous. Salut.